Le truc, c'est de faire de la victime une complice. Ils l'ont compris et savent qu'à cause de cela, il n'y aura pas d'opposition majoritaire. Ben, à un moment donné, j'en avais parlé, j'ai dit, ils vont vous faire construire votre propre tombe. Ils font creuser votre propre tombe. Ils vous font construire votre propre prison. Ouais. Ça fait penser un peu comme dans le temps, là, dans les camps, les capots. Ça veut dire qu'ils comprennent bien la psychologie. Puis, je veux dire, il y a eu des essais-erreurs. On vit aujourd'hui dans un système que je considère c'est de la dictature soft, mais c'est encore plus subtil. Puis, ils ont appris essais-erreurs, puis ils ont fusionné ensemble tout ce qu'ils ont compris des pires systèmes d'extrême droite, comme il y a eu en Espagne, puis ailleurs, puis les pires systèmes d'extrême gauche, comme il y a eu en Hongrie, en Bulgarie, en Roumanie. Puis ils sont venus à bout de faire un amalgame, de créer une sorte de chimère, où finalement on se rend compte que c'était tout des laboratoires, tout ça. Puis là, on a affaire à l'aboutissement. C'est d'une subtilité. C'est très subtil. Vous êtes votre propre Gestapo. Vous êtes votre propre Gestapo. Prenez Facebook. Facebook, moi, à mes yeux, ça vient des services de renseignement, puis Zuckerberg, c'est un front. Parce que ça a été fait pour que les gens se fichent eux-mêmes. Les gens se fichent eux-mêmes. Puis aujourd'hui, des services de renseignement, c'est plus comme dans le temps qu'ils tenaient des dossiers, puis ça finissait plus, puis comme la Securitate en Roumanie, puis ou la Stasi. Je pense en Tchécoslovaquie. Aujourd'hui, les services de renseignement, ils vont sur Internet. Ils vont se mettre amis avec vous autres, vous en rendrez même pas compte. Puis, vous vous êtes fiché vous-même. Puis, ils savent tout sur tout le monde. Même l'intelligence artificielle, ça existait bien avant qu'on en parle. Google vous étudie. Il y en a que ils s'en rendent pas compte. Mais ils font la pire affaire qu'il n'y a pas. Ils parlent avec le serpent. Ils sont dans le jardin, puis ils jasent avec le serpent, puis ils se rendent pas compte. Le monde qui tripe sur ChatGPT, là, vous vous faites étudier, puis vous énergisez ces forces-là. Ça va venir de plus en plus intelligent, ça va nous connaître de plus en plus. C'est des machines, que c'est des serpents à sornettes. Moi, je vois des forces en arrière, puis c'est pas humain, hein, c'est en tout cas.